I'm pain, pain, pain. It's pain. Alive! Ce soir, je vous présenterai la deuxième partie du spécial 1985, avec des groupes qui ont donné dans le genre speed metal, trash, le doom et voire même certaines tendances progressives. Le tout entrecoupé de pièces plus actuelles et d'une nouveauté avec les Canadiens de Sanctuary. En plus, et tout à fait gratuitement, le cinquième appel se méritera une ablation de l'hémisphère droit du cerveau. Et comme si ce n'était pas suffisant, ayez votre carte de crédit en main, parce que si vous appelez dans les 10 prochaines minutes, vous recevrez en prime un traitement à l'acide et un découpage en 1000 morceaux, n'est-ce pas merveilleux? Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque les cadeaux qu'il offre, suivant de consultation, seront les derniers pour vous. Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. Cosphere is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause high, Pendragon said so. Et débutons avec un très long bloc, avec Soulfly. Go! Vous êtes assez fait. 80 heures. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. C'est fou le sexe. Tous les lundis 10h à C'est fou 89.1 FM. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, What Web, C'est un fait Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous êtes assez fou? 89 ans. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition de, du mois de février de l'an de disgrâce 2016, le 2. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre un très long bloc. Bon, encore. Oui, Horace, oui, je sais, il est effectivement très long ce bloc. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Je présente à l'occasion des pièces qui sont plus longues que d'autres. OK! Oui, t'es pas content. Tais-toi donc, petit singe, là. Bon. Un bloc, effectivement, qui a duré, ma foi, pratiquement 38 minutes, qui était constitué de ce qui suit. L'excellente pièce, à l'instant, de Hopeth. The Grand Conjuration, qui est tiré du non moins très bon album Ghost Reveries, qui est paru en 2005 sous étiquette Roadrunner Records. Et qui peut dire de Hopeth que cette pièce n'est pas bonne sans s'auto-proclamer inculte? Juste avant, nous avions Enslave, une autre très bonne pièce, cette formation norvégienne. Enslave et la pièce Giants, qui est tirée de l'album de 2010, Axioma Attica Odeni, qui est un album que j'aime énormément. Voivod est une pièce tirée du dernier album auquel Eric Forrest aura participé. En fait, les deux seuls sont fait l'exclusion de Voivod Lives, qui est un album, comme ça le dit, évidemment, en spectacle. La pièce Neutrino, tirée de Phobos de 1997. Je serais par contre bien curieux, moi, de voir ce que Eric Forrest fait avec E-Force. Album qui est paru en 2015, en fait, à l'été dernier. Demonic Hall. Je sais pas du tout. Je sais qu'il donne dans un trash metal maintenant, mais j'ai aucune idée de comment ça peut sonner actuellement. Je me propose d'aller faire une petite incursion vers ce que Eric Forrest fait maintenant avec E-Force. Nous avions juste avant Voivod de Mastodon et la pièce Megalodon. C'est tiré de c'est quasiment un chef-d'œuvre cet album-là dans le métal. Leviathan, qui est paru en 2004 sur Relapse. Oh, je dois dire que c'est pas mal encore mon préféré. Et on est ouvert avec Soulfly, Rise of the Fallen, qui est tiré de l'album de 2010, Homan. Soulfly, pour moi, c'est pas un groupe que j'aime énormément. Je suis pas un grand fan de Max Cavalera. Honnêtement, je trouve que c'est un peu un crétin, ce gars-là. Oui, il a fait des choses qui étaient quand même pas si mal avec Sepultura à l'époque, mais j'ai vu l'agissement de ce gars-là et puis je pense qu'il se prend vraiment pour ce qu'il est pas. En tout cas, ça lui va vraiment pas pour qui il se prend. Mais il reste que l'album Omen, pour moi, est un des albums, je dirais, les plus intéressants que Soulfly a fait. Et la pièce Rise of the Fallen, je trouve que c'est vraiment une excellente pièce et très originale. Elle détonne du lot de bien des groupes de ce genre. Et c'est pour ça que vous l'entendez à l'occasion aussi à Réanimation. Hein? Faut bien se faire plaisir à l'occasion. Et puis, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça passe des fois par des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, évidemment. Yo, Joe? Quoi? Je rentre dans le bureau de fonctionnaire. Bon. Il y a Sarah Arafat. Saint-Hyacinthe, Longueuil, Tchernobyl. Oui, moi. Ben, j'en viens pas. Fait que je rentre, il y avait trois fonctionnaires qui ronflaient, deux qui se tournaient les pouces, quatre qui se tournaient les gros orteils, puis un qui s'amusait à désosser son collègue de travail. Fait que je dis, excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un renseignement? Il dit, non, je peux pas. Je dis, pourquoi? Il dit, on est en grève. Je dis, en grève de quoi? Il dit, en grève de travail. Je dis, quel travail? Il dit, notre travail. Je dis, vous faites rien. Mais il dit, avant, on faisait de quoi? Je dis, qu'est-ce que vous faisiez? Il dit, on se préparait pour la grève. Je dis, quelle grève? Il dit, celle-là. Je dis, où ça? Je veux pas de grève. Il dit, c'est parce qu'on est en break. Je dis, pas besoin de break, vous travaillez pas. Il dit, fais la grève, c'est aussi tough que travailler. Je dis, ben, pourquoi vous faites pas la grève de la grève si vous trouvez que la grève, c'est le travail, c'est trop d'ouvrage, mon âme? Fait qu'on reprend chacun notre souffle, puis il me dit, bon, OK, d'abord, qu'est-ce que tu veux comme renseignement, Caras? Et je dis, j'aimerais bien savoir où se trouvent les toilettes. Ça y a Sir Arafat. Il est impayable. Je me serais pas attendu de le voir arriver dans le studio ce soir, par contre. Quoi qu'il en soit. Après ce cher Yasser Arafat, il faut toujours même passer aux choses un peu plus intéressantes ou peut-être même plus sérieuses. Je vous propose une nouveauté ce soir qui m'a été généreusement envoyée par mon ami John Asher, formation canadienne qui porte le nom de très loin d'ailleurs, de White Horse au Yukon. Initialement maintenant de Halifax, la formation Sanctuary, qui existe depuis 2007. Formation qui... j'ai découvert ce deuxième album. En fait, c'est le premier que moi je découvre, Winter's Doom. Avec, ma foi, intérêt et... grand intérêt, je dois dire. Parce que lors de la première écoute, tout de suite, j'ai été comme... fortement intéressé par ce qu'ils font. Ce qu'il faut savoir avec Sanctuary, c'est que ce n'est pas une formation. C'est une formation qui est dans un thrash metal assez old school, assez traditionnel, si on veut. Ce que plusieurs formations fait depuis, ma foi, peut-être trop d'années. Comme je le disais lors de ben pas lors, mais de oui, on va te le dire. Dans ma chronique musique dans le site, sur le site de Réanimation. On peut dire du thrash metal que c'est une forme de musique qui est usée à la corde. Par contre, quand on écoute quelque chose puis que ça nous plaît, c'est le principal. Et moi, Sanctuary, ça m'a plu. Et je suis loin de dire que je n'y retrouve pas certaines influences ou certaines connotations avec des choses qui ont existé, parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit pour plusieurs, certaines du moins de leurs pièces, c'est Nuclear Assault. Surtout principalement tiré de Game Over. Donc, moi, je vous propose deux pièces tirées de Sanctuary, l'album étant Winter's Doom, qui est paru le 22 janvier dernier, soit Vermin Lord et Winter's Doom, la pièce titre qui est excellente. Allons-y tout de suite. Go! Hi, this is Glenn from Sanctuary. When I'm not frugally buying single pieces of vegetables from the grocery store, I'm tuning in to Reanimation with Dr. Pendragon for some good old thrash metal.

êtes assez fou. 89. Vendredi 5 février, 21h, votre café-bar Le Zénobre reçoit la formation montréalaise Tertio. Pour une soirée jazz rock, drum and bass, originale, soyez au Zénobre pour le spectacle de Tertio, ce vendredi 5 février, 21h. Le Zénobre, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fait, assez fait. Vers 58, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur CIFU 89.1 FM et ce jusqu'à 21h avant cette délicieuse pause publicitaire. Vous avez entendu la formation canadienne anciennement de White Horse, maintenant de Halifax Sanctuary avec un K et non un C. Qui est une formation qui existe depuis 2007, qui donne dans un power trash metal assez traditionnel, je dois dire, légèrement conformiste, mais selon moi très efficace. Et si vous avez entendu cette pièce, la première étant Vermin Lord, le Seigneur Vermine, eh bien vous avez certainement retrouvé certaines similitudes avec la formation Nuclear Assault, si vous la connaissez bien entendu. Et nous avions aussi la pièce Winter's Doom, qui est la pièce titre de cet album, qui est paru le 22 janvier dernier, si je ne m'abuse, de façon indépendante. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. La production est excellente. Les gars étaient assez chic type pour m'envoyer justement un ID, en bon français, pour que je puisse présenter leur album et qu'ils présentent Réanimation aussi. Pis c'est vraiment cool de leur part. Si j'avais une note à lui donner, ben, je lui en donnerais une. Donc, je ne donne plus de notes. Je sais pas pourquoi, j'ai été influencé, mal influencé par le Rockmaster. Justement, en parlant du Rockmaster, vous venez d'entendre la publicité qui parlait de Rock Classic. Eh bien, effectivement, ce vendredi, dès 11h, c'est l'émission Rock Classic pour les vrais amateurs de vrai rock, en compagnie de mon bon ami Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble serviteur, jusqu'à 17h. Et cette semaine, nous ferons notre deuxième portion du spécial de l'année 1976. On va entendre des formations telles que Kansas, Black Sabbath, Rush, Led Zeppelin, Paul McCartney, Wings, Nazareth, ZZ Top, Deep Purple, Ted Nugent, Black Oak, Arkansas et bien sûr Kiss. Alain va nous présenter un album, une face entière d'un album avec le vinyle classique, soit sur Genesis, Trick of the Tail, ça va être excellent, et ainsi que un album très obscur du guitariste Tommy Ballin qui est paru en 76, il y a des suites dans les idées, c'est-à-dire Private Eyes. Et tout ça, en plus, bien sûr, des chroniques habituelles qui sont les nouvelles du rock, les éphémérides, la capsule ça passe ou ça casse, et bien entendu, la fonte chez les amateurs de rock. Donc, tout ça, vous allez pouvoir en avoir la totalité ce vendredi 5 février à partir de 11h. Et si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça va pouvoir avoir l'air, eh bien, voici... Okay, Venus? Okay, Steve. Right. Let's go. C'est merveilleux. Fusée XL5, Fireball XL5, une vieille série de marionnettes des années 60. Non, non, ça, vous n'avez pas de chance d'entendre ça. Ouais. Assez bas. Ah non, ben je dis ça. Vous avez pas de chance de l'entendre. Oui, vous avez beaucoup de chance de l'entendre avec classique. Non, blague à part, ça sera pas cette semaine, c'est certain. Ceci étant dit, on va entrer dans la deuxième phase, ou si vous voulez, deuxième section de ce spécial 1985, qui se terminera la semaine prochaine. Je l'avais dit la semaine dernière, je ne crois pas pouvoir le terminer cette semaine parce que si je ne fais pas systématiquement que de la présentation de groupe de 1985 à chaque épisode de réanimation, généralement c'est entre deux et trois blocs, cette semaine ça sera deux. On va débuter ça avec une formation qui existe toujours. Formation qui, ma foi, n'est pas très agréable à mon oreille, généralement parlant. Formation qui vient d'Allemagne. Je parle de Halloween, qui donne dans un power... peut-être à leur début speed metal un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, le Halloween Hippie qui est paru en 1985 aurait été quand même, je dirais, assez important dans sur la scène métallique et spécialement avec la pièce Starlight qui, soit dit en passant, j'ai j'ai beaucoup de difficultés avec le vocal qui est très très aigu qu'on retrouve dans Halloween, mais Starlight musicalement je trouve quand même fort appréciable. On va entendre aussi une formation qui s'appelle Fate Warning, puis on va tomber un petit peu plus dans le dos avec Trouble et Pentagram, mais tout de suite allons-y avec Starlight de Halloween. Vous êtes en réanimation. Go! We'll be right back.

également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité le jeudi à 13h sur les ondes de CIFU 89.1. Bienvenue à bord. Vous êtes assez fou pour l'écouter. CIFU 89.1. Avant cette pause publicitaire, on a eu le plaisir ou l'inconvénient, selon vos goûts, d'entendre les formations suivantes. À l'instant, Pentagram. Bon, il faut dire une chose, la qualité sonore d'enregistrement de Pentagram n'a pas nécessairement été leur force dans ces années-là. 1985, bien sûr, en l'occurrence. Mais il reste que c'est une formation qui a été assez importante dans le mouvement Doom Metal. La pièce étant Death Row, qu'on trouve sur l'album Pentagram, tout simplement, mais qui est sorti aussi sous le nom de Relentless, je crois. C'était sous Peaceville Records. Juste avant, nous avions Trouble. Trouble, qui est une formation qui existe... Ben, en fait, étrangement, les quatre formations que j'ai présentées, même s'ils datent de plusieurs décennies, sont toujours existantes. Peut-être pas nécessairement excessivement actives au niveau du studio, mais existantes. Tel Pentagram, qui nous a sorti un excellent album, dernier album l'année dernière. L'année dernière, c'est il y a quelques mois. Trouble, qui est une formation qui, elle aussi, une formation américaine, qui, elle aussi, fait partie des précurseurs, si on veut, ou en fait des groupes qui auront contribué à populariser le style du Doom. Formation de Chicago, qui, avec cet album, soit The Skull, qui était leur deuxième, je dirais personnellement, peut-être un peu moins bon que le premier homonyme Trouble, qui avait été assez révélateur à l'époque, je dois dire, même assez innovateur, doit-on le dire. Mais The Score, c'est pas un mauvais album, loin de là. Et il y a d'excellentes pièces telles Fear No Evil, qu'on retrouve sur cet album. Malheureusement, ici aussi, c'est une coche au-dessus au niveau de la qualité d'enregistrement de comparativement à Pentagram, mais ce n'est pas encore tout à fait ce qui sonne le mieux à mon oreille. On avait Fate Warning juste auparavant. Fate Warning, c'est une formation qui existe elle aussi depuis 84 sous ce nom. Étrangement, avant 84, soit entre 82 et 84, elles avaient le nom de Misfit et non Misfits. Ne pas confondre. Formation qui naît dans un power progressive metal et maintenant typiquement progressif. On le remarque bien, entre autres, dans cette pièce Pirates of the Underground, qui est tirée de Spectre Within, qui est le deuxième album paru en 85. Je ne suis pas un fan de Pentagram, je raconte là, moi, de Faith Warning. Musicalement, je trouve ça assez correct, par contre. Mais honnêtement, là, moi, le vocal de Ray Alder, qui est toujours le chanteur de Fate Warning, ça m'enchante pas vraiment, là. Il y a des intonations qui sont assez pénibles et qui semblent l'être pour lui, en fait, du moins à cette époque-là. Et on est ouvert avec Halloween. Halloween, qui est une formation qui, elle aussi, une formation allemande qui existe toujours, formation qui s'est formée en 83 sous ce nom. Initialement, ils portaient le nom de Iron Fist. Ils ont été Second Health auparavant et au début Gentry ou Gantry selon le cas. Formation qui donne dans un power speed metal. Le dernier album en ligne de Helloween est paru l'an dernier, qui s'appelle My God Given Right, que je n'ai pas entendu, et honnêtement, je n'ai pas l'intention de l'entendre. Personnellement, mes écoutes d'Helloween sont rarissimes et elles se limitent énormément à Starlight, principalement. Mais qui est une bonne pièce, je dois le dire, qui est une bonne pièce intéressante, malgré le fait que le vocal, encore ici, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. C'était tiré de Helloween EP. Premier enregistrement studio de cette formation, c'était sur étiquette Noise Records. Parlant musique, justement, les choses que j'ai découvertes depuis la dernière semaine, depuis la première fois. formation allemande Obscura, qui donne dans un progressive technical death metal. L'album étant Acroasis. Sur Relapse Records, ça va être disponible ce vendredi. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ça vilain, mais il y a beaucoup de notes. Ce qui fait que généralement ces groupes-là qui empilent énormément de notes successivement une par-dessus l'autre ont tendance à avoir un vide. Et comme c'est rapide, c'est doublement plus évident ce vide-là. Ce qui me plaît plus ou moins, ça manque de, comme dirait ma blonde, ça manque de gras. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Ça manque beaucoup de gras. Mais c'est pas vilain. Je suppose que le fait de vouloir mettre énormément de notes peut leur attribuer aujourd'hui, non pas à l'époque, mais aujourd'hui peut-être le suffixe de progressif. Personnellement, c'est pas nécessairement ce que je me fais comme idéal du progressif. Autre formation qui vient de Grèce, Mortal Torment, avec l'album Cleaver Redemption, qui est paru sur Gore House Productions. C'est paru à la fin 2015. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé. C'est du Brutal Death Metal. Ah, le docteur aime pas le Brutal Death Metal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aimais pas Mortal Torment. Parce que c'est vraiment du... Puis ça, je suis incapable. Un vocal à la cochon égorgé, je suis formellement incapable, donc j'ai vraiment pas aimé ça. Formation que j'ai trouvé suffisamment intéressante pour vous en parler la semaine prochaine. C'est une formation qui vient d'Australie, qui porte le nom de Blade of Horus, qui aussi est dans un Brutal Technical Death Metal. L'album c'est un EP, il s'appelle le Monumental Massacre. C'est paru sur les étiquettes Lacerated Enemy Records. Oui, quel beau nom. C'est très limité. C'est disponible en CD à quelques centaines de copies uniquement. J'ai réussi à mettre la main là-dessus. Et je vous le présente la semaine prochaine dans le cadre de réanimation. Autre truc aussi que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressant, qui est encore une formation qui donne dans un trash metal, une autre formation allemande qui porte le nom de Exhumer, mais sans H, l'album étant The Raging Tides. C'est apparu sous l'étiquette Metal Blade Records, ce qui est quand même bien pour eux autres. C'est disponible en CD. Je dois dire que dès les premières écoutes, ça m'a fait taper du pied. Donc, en ce qui me concerne, c'est bon signe. Je vous la présente, elle aussi, Exhumer, la semaine prochaine. Bien entendu, avec la troisième et dernière partie de ce spécial 1985 qu'on va poursuivre dans quelques instants. Côté cinéma, en tant qu'affaire, on va aller se vider le cœur au complet. Dans les films à venir, ce mois-ci, c'est Deadpool, qui est un film de super-héros, bien entendu. Donc, je ne connais pas Deadpool. J'ai déjà vu le nom, mais je ne connais pas. Donc, je vais probablement faire un plaisir d'explorer le film à sa sortie. C'est ce 12 février prochain. Et le 26 février, un peu plus tard, à la fin du mois, c'est The Witch, qui semble être un excellent film d'horreur, évidemment, qui traite de sorcières. Dans les trucs qui sont en salle présentement, c'est The Finest Hour, qui est un film historique, un drame, connotation, action, qui met en vedette Chris Pine et Casey Affleck, et Eric Bana aussi, qui parle d'une des plus grosses tempêtes de 1952 que la côte est des États-Unis a reconnue sur la Nouvelle-Angleterre, bien entendu. Et évidemment, la catastrophe de deux pétroliers et qui s'en est suivi, donc ça reste un film assez intéressant. Écoutez, je vais garder le pire pour la fin, parce que personnellement, je suis en pleine écoute de la cinquième saison de American Horror Story qui porte le nom de Hotel et qui met en vedette Kathy Bates, l'excellente Kathy Bates, je dois dire, dans ce rôle. Et on retrouve Sarah Paulson et Evan Peters, entre autres, qu'on a vu dans les saisons précédentes. C'est vraiment pas comme les autres, là. C'est vraiment pousser la note encore plus loin. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus explicite, c'est gore par moment. C'est très tordu. Et c'est surtout le qualificatif tordu qu'il faut retenir dans cette cinquième saison d'American Horror Story. C'est même surprenant. J'ai l'impression que les producteurs Falchuk et Murphy ont décidé que, bon, ben, écoute, on y va le tout pour le tout. Et puis si FX, le canal spécialisé qui la diffuse, décide de nous couper cela, ben, au moins on aurait essayé. Mais jusqu'à présent, je pense qu'FX a accepté complètement de diffuser la saison en entier. Ce qui veut dire qu'il y a des canaux spécialisés qui sont prêts à mettre la barre un peu, repousser un peu les limites pour donner des sensations qui ne sont pas nécessairement très communes dans les séries télévisées. Et American Horror Story Hotel fait partie de ceux-là et je vous jure que par bout, c'est pas nécessairement c'est inattendu pour le moins. Je vous laisse découvrir. Un truc que j'ai vraiment trouvé emmerdant, et pourtant j'avais une attente relativement grande de ce film, qui met en vedette Michael Fassbender, qui est un acteur que je respecte de plus en plus. C'est un film de Justin Kurzel, et c'est un... j'allais dire un remake, mais je suis pas si certain que ça, que ce soit un remake de tirer des écrits de William Shakespeare, soit Macbeth. C'est un film à connotation fantastique, je dirais, historique, mais très théâtral. Et je dois citer ma blonde encore une fois, c'est un trip de réalisateurs et d'acteurs de théâtre, mais au cinéma. Donc, si vous ne voulez pas vous taper les lignes shakespeariennes, pratiquement textuellement, telles elles ont été écrites il y a 400 ans, et telles les pièces de théâtre... les ont reproduites au fil des siècles, et bien n'écoutez pas Macbeth, c'est d'un ennui mortel. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Malheureusement, je croyais dès le début du film que ça s'annonçait pour être quelque chose de bien, parce que il y avait quand même, parce qu'il faut savoir que Macbeth, c'est que ça se passe au 11e siècle, c'est l'Écosse contre la Norvège, Macbeth est un chef d'armée, et puis bon, ça se tapoche dessus, là. Et ça commence un peu comme ça, et puis les prises de vue sont hallucinantes, là. Techniquement parlant, c'est irréprochable. Le graphisme pictural du film est vraiment très, très, très léché. On a même l'impression de faire partie du film à un certain moment donné. Mais c'est d'une lenteur et c'est d'un assommoir au niveau des textes que j'en cognais des clous, là. Donc, moi, j'ai vraiment pas aimé Macbeth. C'est personnel, peut-être que l'Internet Movie Database lui a donné une cote de 7,1 sur 10. Ce qu'il faut savoir avec IMDb, c'est que c'est généralement des cotes qui sont comptabilisées à partir de spectateurs. Donc, ce n'est pas des cotes qui sont tirées de critiques professionnelles de cinéma. Mais quand même, la cote est assez élevée, mais moi, personnellement, j'ai pas aimé ça. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai la troisième et dernière partie de ce spécial 1985 et les formations allemandes Exhumer et Blade of Horus, qui sont des albums qui méritent d'être écoutés selon moi. Et je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, Rockmaster et moi, nous allons vous présenter notre deuxième partie de ce spécial 1976. Avec tout ce que ça comporte, et puis tous les chroniques qu'on a, qui sont tous plus folles les unes que les autres, et bien entendu, le sérieux de l'histoire, c'est-à-dire pas grand-chose. Dans quelques 20 minutes, ce sera Matière Noire qui rentrera en onde, ici même à Sifu, donc pour les amateurs de métal, peut-être plus progressif, peut-être plus... je sais pas quoi, moi. Large? Ben, vous serez servi. Nous allons entrer dans cette dernière partie de la soirée de ce spécial 1985 avec des formations qui certaines sont très, très connues, pour d'autres qui sont beaucoup moins, mais qui ont laissé quand même une trace importante. Je parle de Savatage. Je parle de Anthrax, bien entendu, que vous connaissez tous, Megadeth aussi, et Rockmail, qui est probablement plus inconnu pour la majorité d'entre vous, dont je vous parlais un peu plus à la fin de ce bloc. Donc, on va débuter le tour avec Sabotage et la pièce Necrophilia. Go! We'll be right back. Formation peu connue. Rogue Mail, formation qui nous vient de, d'Angleterre, qui a fait partie de la New Wave of British Heavy Metal. Formation qui avait un look assez particulier, je dirais même assez quasiment révolutionnaire pour l'époque. La pièce étant Crazy Motorcycle, c'est la pièce d'ouverture de leur premier album First Visit qui est paru en 85, plus précisément en 85, voilà. Sur Music for Nation. C'est une formation qui existe toujours, dont le dernier album est de 2009, que je n'ai pas écouté. En fait, je ne connais que ce premier album, First Visit, qui à l'époque nous faisait, en fait, vous allez plus probablement vous en rendre compte par vous-même, qui nous faisait penser un petit peu à Motorhead. Juste avant, nous avions Megadeth, sont-ils à présenter, pièce tirée du premier album, Killing is My Business, But Business is Fine, qui est paru en 85, également, bien sûr, ce Combat, The Skull Beneath the Skin. Nous avons ouvert avec, pas ouvert, pas du tout, c'était la deuxième pièce, Anthrax et IR, pièce d'ouverture de Spreading the Disease, le deuxième album des American Anthrax, qui était sur l'étiquette Music for Nation. Et nous avons ouvert avec Savatage et la pièce Necrophilia, qui est tirée de Power of the Night, qui était le deuxième album de cette formation américaine, qui, ma foi, c'est correct. Savatage, c'est pas ce que je préfère écouter en premier. Pour actif, dernier album, je pense que le Rockmaster en avait parlé en 1979, me semble. Non, c'est pas vrai. Dernier album est de 2001. C'est des choses qui... c'était le genre métal qu'il y avait en 85. On retrouvait ce genre de vocal qui, moi, m'achalait un petit peu, finalement. Je vous quitte avec une publicité parce que j'ai plus rien d'autre à vous dire, ça me tente pas du tout. Puis de toute façon, je vois des gars qui sont assis devant moi qui ont l'air de vouloir manger les micros, là. Fait que moi, je veux pas être là, je veux pas être complice de détérioration de biens publics. Je vous retrouve la semaine prochaine, réanimation pour cette conclusion de ce spécial 1985 et la présentation des albums de Exhumer et Blade of Horus. Et ne manquez pas ce vendredi dès 11h. Un classique pour les vrais amateurs de rock. C'est Matière Noire. Ciao, see you. Et allez tous vous faire foutre.